Mars 2020, Mars Orbiter, InSight, ExoMars et j'en passe, il n'y en a que pour Mars. Depuis près de 30 ans, une large partie des programmes d'exploration se tournent vers la planète rouge. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au tout début de l'aventure spatiale, la jumelle de la Terre, celle qui concentrait de nombreux espoirs, et notamment du côté russe, c'était Vénus. Mais très vite, Vénus a révélé son vrai visage, un enfer inhabitable de plus de 450 degrés Celsius avec une pression atmosphérique 100 fois supérieure à celle de la Terre. Son exploration a été abandonnée à la fin des années 80, mais les choses sont en train de changer. Vénus oubliée, Vénus bafouée, mais Vénus bientôt redécouverte. Vénus, la fausse jumelle de la Terre, c'est le programme sulfureux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire de cette jumelle un peu trop vite, reléguée aux oubliettes de l'exploration spatiale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Widmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, responsable scientifique adjoint de la mission Envision, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Bonjour Alice Le Gall. Bonjour. Vous êtes chercheuse en planétologie au LATMOS, laboratoire atmosphère, milieu, observation spatiale, et enseignante à l'université de Versailles-Saint-Quentin. C'est notre émission mensuelle en partenariat avec... nos camarades du magazine Science et Avenir, nos camarades à qui l'on adresse aujourd'hui un message d'amitié et de soutien tout particulier suite à la disparition de leur collègue Aline Kinner, rédactrice en chef des hors-séries de Science et Avenir. Voilà, on leur transmet vraiment toute notre affection aujourd'hui. Vénus donc, sœur jumelle de la Terre qui a suscité tous les espoirs. Écoutez donc cette archive qui date de février 1950, soit une décennie avant l'envoi des premières sondes spatiales. La vie sur Vénus, c'est pas sûr, mais c'est loin d'être exclu. Prenons-en notre parti. Cette atmosphère ne contient ni oxygène ni eau, et le seul gaz que l'on y décèle est une masse compacte de gaz carbonique. Ne soyons pas trop déçus. Si une pareille ambiance est complètement impropre à la vie animale, elle peut convenir par contre à la vie végétale. N'oublions pas que les plantes absorbent le gaz carbonique et qu'elles en rejettent l'oxygène dont elles enrichissent l'atmosphère. Nous pouvons alors très bien imaginer que l'étoile du soir est tout entière tapissée d'un manteau végétal, comme l'était la Terre au temps antécambrien, et que toutes ces plantes s'attaquant à l'énorme masse de gaz carbonique vont finir par le transformer en oxygène et par rendre le séjour de Vénus habitable pour les animaux. À ce moment, la belle planète revivra l'épopée de notre globe aux âges primaires, et peut-être l'histoire géologique s'y déroulera-t-elle avec les mêmes épisodes que chez nous. Voilà la radiodiffusion française en 1950, une quinzaine d'années avant que l'on ait les premières sondes envoyées autour de Vénus. Et on pense encore à cette époque, on sait déjà que Vénus est certainement difficilement habitable, on peut observer, mais on se demande s'il ne peut pas y avoir un peu de végétation. Votre réaction à cette archive, Thomas Widmann? C'est vrai que l'idée que Vénus puisse être une sœur jumelle de la Terre est venue très tôt dans le XXe siècle. Et c'est dès les premières mesures de sa température au sol que vous avez rappelé que la perspective de trouver de la végétation ou des animaux est devenue exclue au début des années 60. Il faut dire que Vénus, historiquement, a un statut un peu particulier, puisque c'est l'un des objets les plus brillants dans le ciel, Alice Le Gall. Oui, c'est le troisième objet le plus brillant dans le ciel, après le Soleil et la Lune. Et c'est un objet qu'on peut observer à peu près tous les soirs, au crépuscule, et tous les matins à l'aube. Donc Vénus est une planète intérieure, c'est-à-dire qu'elle est plus près du Soleil que nous le sommes. Donc, elle n'est jamais très très loin du Soleil de notre point de vue. Donc, on la voit quand le Soleil va passer derrière l'horizon et juste quand il revient. On l'a cru longtemps que c'était une étoile. D'ailleurs, on l'appelle encore aujourd'hui au quotidien, souvent, enfin, dans le langage populaire, je devrais dire, l'étoile du berger. Mm-hmm. Alors, évidemment, c'est pas une étoile, c'est une planète. Mais c'est vrai que longtemps, les bergers ont guetté son apparition la nuit ou sa disparition le jour pour savoir quand rentrer ou sortir leur mouton. L'étoile du berger, ça a été aussi Morning Star, l'étoile du matin, l'étoile du soir. C'est effectivement un astre qui a une importance considérable dans les civilisations antiques. On la trouve très très tôt des observations, Thomas Widmann. Absolument, elle est observée, je crois que les plus anciennes observations dont nous ayons la trace dans les tablettes babyloniennes, ce sont des observations des cycles de la planète Vénus. Au British Museum, il y a une tablette en particulier. Il y a également la figure mythologique de Vénus qui est présente dans toute l'Antiquité. Sa figure est chantée par tous les poètes. Vous parliez de littérature tout à l'heure. C'est aussi une belle transition puisque Ovide, Homère, Sappho, Lucrèce, les poètes latins et grecs l'ont chanté. Il y a une véritable présence culturelle de cette planète, de cette figure, de l'astre, le troisième astre, comme le disait Alice, le plus brillant après la Lune et le Soleil, dans toutes les mythologies du monde. Amérindienne, asiatique, etc. Et donc, c'est un objet culturel, autant qu'un objet d'étude scientifique. Et on est très content de pouvoir le dire ici. Et à quel moment de l'histoire est-ce que l'on comprend que Vénus n'est pas un astre, n'est pas un astre ? C'est un astre, mais n'est pas une étoile, mais est une planète. Thomas Hinman ? Alors, planète et astre ont un peu, l'un est l'adjectif, l'autre le nom en grec. Donc en fait c'est un astre qui se déplace, qui se meut parmi les étoiles. Et les Grecs distinguaient les étoiles fixes et des étoiles errantes, se déplaçant parmi les autres étoiles. Et planétès en grec c'est un adjectif en fait qui signifie errant ou qui se déplace. Donc elles sont également très brillantes. C'est-à-dire que Vénus est vraiment un astre extrêmement brillant quand on le voit le matin ou le soir, comme le dit Alice également. Et c'est surprenant à quel point cet astre est finalement peu étudié. Paradoxalement, c'est la planète la plus proche de nous et la plus brillante. Et finalement, ça fait 3 décennies qu'on a envoyé un tout petit nombre de missions spatiales. Et on peut se demander pourquoi, compte tenu de sa proximité de la Terre. Et ça sera un des objets de notre émission. Alice Le Gall, sur l'observation, alors il y a différentes théories. Hein. Il y a des théories qui soutiennent que c'est Avicenne le premier qui aurait observé Vénus. La théorie la plus acceptée aujourd'hui, c'est Galilée. Aujourd'hui, à partir de quel moment, finalement, l'astronomie moderne commence à s'en emparer, commence à l'observer, commence à obtenir peut-être les premiers éléments d'information? Je vais peut-être laisser Thomas répondre à cette question, parce que c'est un grand spécialiste d'histoire des sciences. Alors... Le premier à tourner un télescope vers le ciel, c'est Galilée, avec sa fameuse lunette. Et donc, il va découvrir que Vénus possède des phases qui imitent les phases de la Lune. Et ça va être la première, je dirais, le premier pas vers la nature planétaire de Vénus. En tout cas, la figure qui imite les phases de Vénus, de la Terre, de la Lune. La Lune. Et effectivement, comme elle est couverte de nuages, elle est très brillante, mais on ne voit pas de détails de sa surface. Les observations télescopiques des planètes commencent au XVIIe siècle avec Huygens en particulier, qui va le premier de faire des gribouillés, des premiers dessins de la planète Mars. Mais Vénus, on ne voit pas grand chose, finalement, à cause de cette couverture nuageuse. Les premières observations vont être au début du XXe siècle ou XXe siècle. Avec la photographie, avec les filtres ultraviolets qui vont permettre de voir des contrastes un petit peu plus grands. Et ce n'est que dans les années 50 qu'on va mesurer la vitesse de rotation, qu'on appelle de super-rotation de l'atmosphère, en 4 jours, grâce à ces images ultraviolettes au pic du Midi, d'ailleurs dans le sud de la France. Et ce n'est qu'au début des images radar faites depuis le sol qu'on aura une petite idée de sa rotation sur elle-même. Pendant très longtemps, on va lui chercher un satellite, comme la Lune. On ne va pas le trouver. Voilà. Donc c'est une planète qui va être un petit peu frustrante dès le début des siècles de l'exploration planétaire ou de l'observation astronomique à cause de sa couverture nuageuse. Et en même temps, on le disait aussi très importante culturellement, puisque vous venez de l'Observatoire de Paris, il y a une magnifique fresque, la transition de Vénus devant le Soleil, c'est un événement astral, c'est un événement du ciel qui a été un événement très observé, très commenté, très consigné. Il se trouve qu'une fois par siècle environ, Vénus passe exactement devant le Soleil. Alors elle ne fait pas d'éclipse, mais on voit sa figure passer avec un rythme d'horloge finalement devant cette figure du Soleil. Et nos prédécesseurs au XVIe, XVIIe siècle avaient imaginé utiliser ce passage pour mesurer les exactes dimensions du système solaire. Et donc, était organisé à l'occasion de ces passages de Vénus, transit of Venus, comme disent les Anglais, des expéditions dans le monde entier. Le capitaine James Cook a eu l'autorisation de l'observer depuis Tahiti lors d'un de ses voyages dans le Pacifique Sud. Enfin, c'était des expéditions absolument incroyables, l'équivalent des missions spatiales d'aujourd'hui, avec des objectifs scientifiques très précis, financé par les académies royales qui naissaient en Europe dans les mêmes périodes. Donc c'est une épopée de ces grands voyages qui transcendent les 4 siècles précédents. Comme vous dites, à l'Observatoire de Paris, nous avons la mémoire de chacune de ces expéditions depuis le XVIIe siècle. Et une magnifique fresque au plafond. Dans la salle du Conseil, au plafond, voilà. Effectivement, qui représente un des tout derniers en 1882. On va essayer de vous trouver une photo, parce qu'il doit en exister, pour mettre cette magnifique fresque sur le fil Twitter de l'émission. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons donc de Vénus, cette oubliée de l'exploration spatiale contemporaine, puisque comme on vient de l'entendre, elle a été au contraire centrale et très importante à plein d'égards dans les temps anciens. Nous en parlons avec Thomas Wiedemann et Alice Le Gall. C'est notre émission mensuelle en partenariat avec le magazine Science et Avenir. Peut-être peut-on faire, Alice Le Gall, une petite fiche d'identité de Vénus aujourd'hui, ce que l'on en sait et pourquoi est-ce qu'on l'a appelée pendant si longtemps la sœur jumelle de la Terre ? Alors la sœur jumelle, d'abord parce qu'elle est, elle a à peu près la même taille, le même diamètre que la Terre. Elle est plus proche du Soleil, mais pas tant que ça. Elle est à 40 millions de kilomètres plus proche du Soleil, donc sur 150 millions, donc un tiers plus proche du Soleil. Elle est, et ça, c'est par contre, c'est déjà en cela qu'elle diffère de la Terre, elle est englobée, recouverte d'une épaisse et dense atmosphère, vous l'avez dit au début. La pression à la surface de Vénus est de l'ordre de 100 fois la pression à la surface de la Terre, et les températures sont infernales, 470 degrés en moyenne. Cette atmosphère très dense est aussi une atmosphère très opaque. Hein. Il y a notamment autour de 50-70 km d'altitude une couche de nuages d'acide sulfurique, de dioxyde de soufre, avec surmontée par des cristaux de glace, qui font que la surface est absolument inaccessible depuis une orbite autour de Vénus. Donc cette surface, peut-être qu'on va en parler plus longuement après, mais elle n'a été révélée que, eh bien, à partir des années fin des années 70. Début des années 80, quand les premiers radars, d'abord le radar de la sonde Venus Pioneer américaine, et ensuite les radars des sondes Venera, et enfin le radar Magellan il y a 25 ans. Donc ce sont ces radars qui ont, nous ont permis de découvrir et de révéler les paysages de Vénus. Il y a quelques particularités à Vénus et qui font aussi tout son charme et toute sa curiosité, c'est que Vénus a une rotation rétrograde, Thomas Wiedemann. C'est exact. C'est un des cas uniques dans le système solaire, en tout cas unique parmi les planètes rocheuses. Elle tourne vers l'ouest au lieu de tourner vers l'est comme le font la totalité des autres planètes rocheuses. Et c'est une anomalie pour laquelle on n'a pas d'explication. Il y a plusieurs hypothèses, mais il n'y a aucune preuve. Ça peut être un certain nombre de raisons, des impacts anciens, voilà, collision, ou des collisions dans les tout début de la vie du système solaire. Je peux laisser la Alice Le Gall. Parole à Alice. Oui, voilà. Alors, c'est une rotation, il faut le dire aussi, très très lente. Hein. La Vénus tourne sur elle-même en 243 jours. Elle fait le tour du Soleil en 223 jours. Donc, le jour vénusien est plus long que l'année. Et effectivement, une des hypothèses de cette rotation rétrograde serait un événement catastrophique, comme un impact météoritique. Récemment, j'ai lu un article disant que les marées solaires auraient pu progressivement ralentir la rotation de Vénus et inverser cette rotation qui, au départ, était prograde. On n'a pas la réponse. Il y a d'autres hypothèses, justement concernant l'atmosphère qui est tellement dense et tellement épaisse qu'elle aurait pu jouer une sorte de rôle de frein. Est-ce que c'est une hypothèse acceptable, vraisemblable, intéressante, Alice Le Gall ? C'est possible, d'autant qu'on a noté, alors entre les missions Magellan et la mission Venus Express, donc à 16 ans d'intervalle, un ralentissement du jour sur Vénus, donc un ralentissement de l'ordre de 6-7 minutes. Qui pourrait être une conséquence effectivement de ce couplage entre cette atmosphère très dense et le corps solide de Vénus. Et alors justement, Thomas Wiedemann, vous le disiez tout à l'heure, il y a la rotation de la planète et l'atmosphère qui a quasiment sa vie propre et qui, elle, a une rotation de 4 jours terrestre. Alors, c'est le cas, mais à haute altitude, c'est-à-dire à l'altitude de la couche nuageuse qui est très dense, comme le rappelait Alice, entre 50 et 70 kilomètres. Effectivement, les vents sont à près de 100 mètres par seconde à cette altitude. En revanche, plus basse altitude et au contact de la surface, les vents sont plus faibles, mais la masse de l'atmosphère est tellement importante que la force de traction qu'exerce cette atmosphère, même à faible vitesse, n'est probablement pas négligeable, et c'est ce que nous venions de rappeler. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un couplage entre le noyau, le manteau, la surface et l'atmosphère qui a un rôle à jouer peut-être dans ce ralentissement de Vénus qui est quasiment à l'arrêt, comme on le disait, c'est-à-dire que le jour est plus long que l'année. On va reparler de cette atmosphère, de sa composition qui est pour le coup elle presque aussi infernale que les conditions à la surface de la planète. Peut-être continuer à parler un peu de justement de ce sol. Il y a plein de questions qui sont encore en suspens, notamment sur la nature du manteau, sur la tectonique de Vénus. À quoi il ressemble ce sol vénusien, Alice Le Gall ? Alors, du sol, on a à la fois des images très locales, qui sont les photos prises par quatre, en fait, atterrisseurs soviétiques, donc dans les Vénéra. Années 60, à partir de 75, début des années 80, qui montrent vraiment ce qui ressemble à des couches de lave qui se seraient solidifiées et fragmentées. Donc on a des cailloux très très anguleux. Et puis on a aussi une carte globale de la surface de Vénus qu'on a donc obtenue, la meilleure en tout cas, grâce au radar de la sonde Magellan. Donc la résolution de cette carte qui couvre toute la planète est de l'ordre de 200 mètres. Et sur cette carte, on a aussi une carte topographique. Ce qu'on voit en premier lieu, c'est des plaines. Énormément de plaines. 70% de la surface de Vénus, ce sont des plaines volcaniques, a priori, parce que on voit, ce qui ressemble vraiment à des coulées de lave, solidifiées, craquelées par endroits. Et grâce à 7 atterrisseurs qui ont atterri dans ces plaines, on sait que la composition de ces plaines est très proche aussi de celle des roches basaltiques volcaniques sur Terre. Donc c'est un autre argument en faveur de l'idée que ces plaines sont volcaniques. À la fois l'argument morphologique, on voit clairement des coulées de lave plus ou moins étendue, plus ou moins solidifiée, et cette composition basaltique. Et l'activité volcanique, là aussi, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'elle est encore en cours ou non ? Alors, donc c'est un énorme... C'est un énorme point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que outre les plaines, on a plein de volcans sur Vénus, plein d'édifices volcaniques. Je crois qu'on en a dénombré 1600. On en est à 1600 de toutes les morphologies. Ce qui est sûr aussi, c'est que la surface est jeune. Quand on regarde la distribution des cratères, des cratères, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'on en a compté moins de 1000 comparé aux millions qu'on trouve sur Mars. C'est pas grand-chose. Ce qui veut dire que la surface est jeune et qu'il y a des processus qui renouvellent, qui vont rajeunir régulièrement la croûte. Alors ces processus, c'est en premier lieu des épanchements volcaniques. Et quand on étudie plus précisément donc la distribution des cratères sur Vénus, c'est très surprenant parce qu'elle est uniforme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, toute la surface de Vénus a plus ou moins le même âge, qui serait compris entre 500 et 800 millions d'années. Mais voilà, on n'a pas forcément, contrairement à ce qu'on observe sur Terre ou sur Mars, on n'a pas gardé des terrains très anciens. Même sur Terre, on a des terrains qui ont facilement 3 milliards d'années. Non, Vénus, toute la surface semble avoir le même âge, ce qui suggère qu'il y a, donc entre 500 et 800 millions d'années, pu avoir un renouvellement global de la surface, qui est une espèce de chirurgie esthétique drastique, un lifting généralisé. La question, c'est clairement, il y a 500, 800 millions d'années, il y avait de l'activité. Est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Quand on regarde les cratères, non seulement donc ils sont distribués uniformément, mais ils sont très peu dégradés et très peu recouverts par des laves. Donc ça laisse penser qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Il n'y en a plus. Après, ces dernières années, il y a eu quelques indices, on va dire, d'une activité actuelle. Et c'est vrai qu'on les cherche. Il y a eu notamment deux régions qui ont été identifiées comme des potentiels points chauds, des régions où on a des anomalies thermiques. Mais bon, leur identification fait encore un peu débat. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que c'est des régions dont on mesure pas directement la température physique. On mesure la température physique fois une autre quantité sur laquelle on peut mettre beaucoup d'hypothèses. Et en fonction de l'hypothèse qu'on met, on a une température physique qui serait supérieure. Enfin, on n'a pas forcément une anomalie thermique, ça peut être une anomalie d'émissivité. Ok, je vais réexpliquer ça. Non. C'est quoi cette autre valeur qui viendrait se coupler à celle de la température ? Disons qu'on aurait une preuve irréfutable qu'il y a un point chaud, une anomalie thermique à la surface de Vénus, si on mesurait ce qu'on appelle des températures de brillance nettement supérieures à 470 degrés. Non. Qui est la température moyenne de surface. Qui est la même partout, à 3 degrés près. On mesure des températures de brillance qui sont inférieures, mais on se dit que c'est attendu pour... en faisant des hypothèses sur la composition, la rugosité de la surface. Mais ces hypothèses sont un peu... sont très hypothétiques. Peuvent être discutées, quoi. D'accord. Ensuite, on a... Enfin, là, c'est un résultat d'un des chercheurs de mon laboratoire et qui est très intéressant, qui a montré que, à partir donc d'observations de Vénus Express, juste après l'arrivée en fait de la sonde Vénus Express en 2006, on a observé une augmentation très rapide du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, suivie d'une diminution très progressive. Et étant donné que la durée de vie du dioxyde de soufre dans l'atmosphère est très courte, il est vraiment tentant de penser que cet événement, cette variation de l'abondance du dioxyde de soufre dans l'atmosphère est liée à un dégazage. À une éruption. Voilà, une éruption d'un ou de plusieurs volcans à la surface. Donc, faisceau d'indices, mais pas de preuves irréfutables encore. Les Américains disent pas de smoking gun. J'aime bien cette expression. Pas la fumée à la sortie du pistolet qui atteste qu'un coup vient d'être tiré. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. L'autre question, c'est celle de la tectonique. Est-ce que là aussi, on a des doutes, on n'a pas de preuves, A priori, non. Pas de tectonique des plaques sur Vénus. Donc j'ai dit, la surface, c'est des plaines, et à côté de ces plaines, il y a quand même quelques régions qui sont surélevées. Deux principales qui seraient l'équivalent Aphrodite, de masse continentale. Voilà. Aphrodite Terra et Ishtar Terra. Mais donc elles sont quand même très légèrement surélevées. Mmh. Mais il n'y a pas l'équivalent des failles entre ces plaines et donc il n'y a pas d'indice probant à la surface d'une tectonique des plaques. On pense que non, la croûte ou la lithosphère de Vénus est rigide et stagnante. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que de temps en temps il y a un renouvellement de la surface, parce que on a ce couvercle rigide, la chaleur s'accumule dans le manteau et au bout d'un moment, un peu comme une cocotte minute, enfin, ou de temps en temps, peut-être cycliquement, ça doit craquer, exploser. Jusqu'à la prochaine fois. D'accord. Une autre anomalie intéressante, très intéressante de Vénus, c'est son champ magnétique qui est quasiment inexistant, Thomas Wiedemann. C'est vrai, il n'y a pas de champ magnétique permanent, en tout cas produit par la planète elle-même. Il y a des phénomènes magnétiques dans la haute atmosphère à cause de l'interaction forte avec le vent solaire à proximité du Soleil, mais c'est, je pense que vous parlez du magnétisme terrestre, de la planète elle-même. Bien sûr. Ce qui est probablement l'un des diagnostics, disons, de notre enquête, c'est-à-dire que l'absence de ce champ magnétique nous informe également sur les conditions qui règnent à l'interface entre le manteau et le noyau. Est-ce que c'est lié à la rotation très très faible de la planète sur elle-même? Il y a plusieurs explications, la composition qui peut changer, les conditions de température et de pression au centre. Ce qui vient d'être dit est exact, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaleur à relâcher en quelque sorte de l'intérieur de la planète. Celle-ci ne peut pas être relâchée par les processus tectoniques que nous connaissons sur Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la convection du manteau à l'échelle de la totalité du manteau entre le noyau et la surface. Donc cette chaleur s'accumule et doit être libérée, probablement selon des phénomènes cycliques catastrophiques, soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle globale, sans qu'on ne sache évidemment s'ils sont récurrent ou non. Il y a peut-être une tectonique des plaques récurrente qui s'arrête pendant des milliards, un milliard d'années, puis qui reprend, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que Vénus est en quelque sorte une figure que la Terre n'est pas, mais qui ne défend pas de sa distance au Soleil. On a tendance à dire parfois que la Vénus a échoué à finalement devenir une planète aussi habitable que la nôtre à cause de sa proximité du Soleil. C'est quelque chose qui est probablement lié à l'intérieur. Et tant qu'on n'a pas bien compris ces différences d'évolution, est-ce que c'est la minéralogie qui est différente? Est-ce que c'est la composition chimique, la manière qu'elle a eue de s'assembler? La viscosité du noyau? Est-ce qu'il y a eu moins d'impact de météorites hydratées ou comportant de l'eau? Il y a beaucoup de scénarios sur la cogénéticité de ces deux planètes qui finalement, comment expliquer leur divergence? Et tout ceci est un sujet passionnant d'étude de tous nos collègues planétologues dans beaucoup de domaines de la planétologie comparée. Alice Le Gall. Oui, sur le champ magnétique, effectivement, donc, on constate une absence de champ magnétique sur Vénus. Alors, pour avoir un champ magnétique, très simplement, il faut à l'intérieur une couche conductrice en mouvement. Voilà. Un effet dynamo, on va vous remettre vers l'émission que nous avions consacrée justement au champ magnétique terrestre et à l'intérieur, au noyau terrestre, qui expliquait très bien tout ça dans tous les détails possibles. Tout à fait. Donc sur Terre, qu'est-ce qu'on a? On a au centre de la Terre, on a une graine de fer solide autour de laquelle on a bien du fer liquide qui bouge. Donc la première question, c'est de savoir si le noyau de Vénus est solide ou liquide. On ne le sait pas. On pense qu'il est liquide en s'appuyant sur des modèles terrestres, en extrapolant les courbes de température et de pression, mais finalement, on ne le sait pas. Après, il est possible qu'il y ait un champ magnétique, il y a des gens qui pensent ça, mais qu'il est actuellement en train de s'inverser. On sait que sur Terre, il y a eu beaucoup d'inversions du champ magnétique et qu'on est en train d'observer Vénus à un moment où le champ magnétique s'inverse. C'est possible. Elle tombe drastiquement, hein, parce que dans les cas d'inversion du champ magnétique, effectivement, il y a une chute. Ça annule à un moment. Pendant un temps géologiquement très court, mais très long à l'échelle de l'humanité. Au stade où on est, vraiment, on ne sait pas. Et surtout, il est possible aussi que même si Vénus n'a pas de champ magnétique actuellement, elle en ait eu un avant. Le problème, c'est que ça va être très dur de le vérifier parce que les températures à la surface sont au-delà de ce qu'on appelle le point de query, c'est-à-dire que les matériaux ont perdu la signature de ce champ magnétique. Et d'autant que si cette surface est renouvelée régulièrement et a été renouvelée pour la dernière fois il y a, disons, 500 millions d'années, voilà, si le champ magnétique a disparu il y a plus de 500 millions d'années, on en perdra d'autant plus la trace. Contrairement à ce qu'on peut faire sur Mars, où on mesure par endroits ce qu'on appelle des anomalies magnétiques et donc un champ magnétique rémanent. Une question d'ailleurs d'un auditeur que je trouve assez pertinente à propos des impacts de météorites qui nous dit sur Twitter, est-ce que l'atmosphère de Vénus qui est tellement épaisse, qui est tellement dense, est-ce qu'elle ne peut pas être la raison de la destruction des météorites beaucoup plus forte que celle de Mars qui n'a plus d'atmosphère ou même de la Terre? Alors, Alice ou Thomas Wittmann, enfin, oui, allez-y. Pas oui. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que les impacts que nous, les 934 cratères d'impact que nous mesurons, qui sont effectivement très récents et très jeunes et très bien formés encore, ils ne sont pas érodés, sont des impacts de corps assez gros, suffisamment pour passer à travers l'atmosphère. Donc, s'il y a un effet de seuil, c'est sur les corps beaucoup plus petits, ceux qui vont marteler en quelque sorte la surface avec et produire du régolithe. Mais là, je peux laisser la parole. Non, exactement. C'est-à-dire que la taille minimale des impacts qu'on observe sur Vénus, c'est 2 km, je crois. C'est le phénomène que décrit Thomas, c'est le phénomène d'ablation atmosphérique qui fait que tous les corps trop petits se désintègrent dans l'atmosphère avant d'arriver, avant d'atteindre le sol. Et alors, justement, parlons un peu de cette atmosphère aussi épaisse. Là aussi, on l'a entendu, hein, c'est une sorte d'image de l'enfer, des gages d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique, mais qui se décompose en trois grandes parties, qui sont des parties très très distinctes, Thomas Wittmann. Oui. Trois grandes couches, plutôt que des parties d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que il faut percevoir cette atmosphère extrêmement dense, extrêmement à très haute température et la pression au sol est de 90 fois la pression terrestre. C'est la même que sous 930 mètres d'eau, à peu près, même les sous-marins ne peuvent pas y aller. Enfin, c'est extraordinairement dense. Et donc, il faut voir ça comme une sorte d'intermédiaire entre l'état liquide et l'état gazeux, plus qu'une atmosphère au sens où nous l'entendons dans cette pièce où nous nous parlons. Donc, toute cette partie basse est une sorte de chaudron, effectivement, à basse vitesse, très très curieux. Un état de la matière qu'on connaît très très mal sur Terre. Ensuite, ça devient une atmosphère très dense jusqu'à 50 km d'altitude, à peu près, où là, on arrive à une couche nuageuse extrêmement épaisse, de 20 km d'épaisseur. Donc, de 20 000 mètres d'épaisseur jusqu'à 70 km d'altitude. Alors que les nuages terrestres, on n'en a plus au-dessus de 10 000 mètres. Disons, là, on a jusqu'à 70 000 mètres. Et cette couche d'atmosphère extrêmement dense, constituée en partie de gouttelettes d'acide sulfurique, peut être réalimentée par des épisodes d'activité volcanique épars ou à des intervalles irréguliers, forme cette deuxième partie de l'atmosphère. Et au-dessus, on a ce qu'on appelle la mésosphère, ou disons la partie la plus haute de l'atmosphère, qui elle est parfaitement observable depuis l'espace, ce qu'a fait la mission européenne Vénus Express entre 2006 et 2014, mais également depuis la Terre. On a des programmes d'observation depuis des satellites terrestres, mais aussi depuis des observatoires au sol sur Terre, qui maintiennent en quelque sorte la mesure de ces irrégularités, de ces grandes variations temporelles, même en l'absence de missions spatiales. C'est-à-dire que les télescopes au sol viennent au secours du faible nombre de missions qu'envoient les heureusement, et c'est heureux, puisque ça nous permet de faire justement la transition. Et donc ces trois parties de l'atmosphère semblent ne pas beaucoup communiquer entre elles. C'est très stratifié, très épais, très dense. Les vents sont à l'horizontale, disons. Mais il y a quand même des échos et la sonde japonaise Akatsuki, dont nous reparlerons peut-être dans quelques instants, tout à fait. A pu mesurer des immenses figures en forme d'arc qui se voit, alors c'est quelques variations de quelques à peine un degré ou deux de température, mais il se trouve que cette mission japonaise possède les capteurs nécessaires pour les mesurer. Et on voit cet immense bow shock, comme on dit en anglais, cette immense onde de choc qui semble être d'origine orogénique, c'est-à-dire un effet des vents à basse vitesse, à basse altitude, qui en écho, en quelque sorte, propage un phénomène vibratoire, une sorte d'onde, à travers toute l'atmosphère, jusqu'à l'altitude supérieure des nuages. Ce qui serait un phénomène extrêmement déroutant, puisque nous n'avons pas beaucoup de physique derrière pour l'expliquer. Donc, nos collègues du laboratoire de météorologie dynamique à Jussieu, qui est un grand laboratoire de climatologie, qui exploite également cet aspect comparé de l'étude de Vénus, de la Terre et de Mars pour comprendre les climats, s'intéresse beaucoup à ce phénomène. Il faut bien comprendre, effectivement, hein, comme vous le disiez, que alors sur la basse atmosphère, c'est quand même 80, plus de 90% de dioxyde de carbone, hein, c'est bien ça, un peu de diazote, oui. Donc c'est totalement évidemment irrespirable, mais qu'effectivement, à ces degrés de pression et de température, on est dans une physique qui n'est pas la physique atmosphérique que l'on connaît et que l'on pratique sur Terre. Elle est en tout cas extrême, disons qu'elle pousse à l'extrême, mais ça c'est le cas de toute l'astrophysique, c'est ce que nous aimons dans notre métier, c'est que nous poussons finalement les lois de la physique dans des milieux de dilution, de froid, de distance que nous ne pouvons pas reproduire même dans les laboratoires terrestres. C'est pour ça que l'astrophysique vient au secours de la physique depuis à peu près 200 ans. On est très content de pratiquer ce métier. Donc voilà en tout cas une sorte d'état des lieux de ce que les missions spatiales précédentes et jusqu'à aujourd'hui nous ont appris. Vous allez voir que Vénus vit une sorte de retour de grâce et que Vénus, comme le titre d'ailleurs nos camarades de Science et Avenir, fait à nouveau rêver. L'art venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient, et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus, Vénus, Vénus. L'un d'art venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os, et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée. Ah, la belle voix d'Alain Bachung pour Vénus sur France Culture à 16h35, puisque c'est le thème de notre émission du jour, la planète Vénus, cette belle mal connue, puisque finalement c'est vrai que les missions d'exploration spatiale se sont arrêtées peu ou prou à la fin des années 80, avant de reprendre au début des années 2000. Nous en parlons avec Thomas Widmann, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, et responsable scientifique adjoint de la mission Envision, qui est l'une des futures missions de l'Agence spatiale européenne vers Vénus, et avec Alice Le Gall, qui est enseignante en planétologie, chercheuse en planétologie au LATMOS et enseignante à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors on le disait, on va repartir un peu justement de cette histoire de l'exploration de Vénus. Historiquement, Vénus, c'est un peu la planète des Russes, Thomas Widmann, alors que Mars aurait été la planète des Américains, oui, dans la course à l'espace. Alors, il faut savoir que dans le début de la conquête spatiale, il y avait quasiment un lancement vers Vénus ou vers Mars tous les ans et demi, tous les deux ans. Et ça marchait, ça marchait pas, ça arrivait. Il y avait une sorte de... Souvent ça marchait pas d'ailleurs au début. Ouais. Il y a eu beaucoup de succès aussi. La première mission, effectivement, la première mission interplanétaire, c'est-à-dire pour aller au-delà de la Lune, date de février 61, c'est Venera 1, la première mission soviétique vers l'espace au-delà de la Lune. Et la première mission réussie, c'est une mission américaine en 62, donc un an après, la mission Mariner 2, qui a ramené beaucoup de résultats, y compris des résultats qui nous ont glacés d'effroi. C'est plutôt le contraire, puisqu'on a découvert à cette occasion la température extrême du sol, qui a un peu invalidé toutes les idées qu'on se faisait sur une petite possible végétation tropicale comme sur Vénus, comme on l'avait entendu voilà, tout au début de l'émission. Donc, effectivement, une exploration... une sorte de partage des tâches entre les deux superpuissants, les deux supergrands, mais qui se focalisait en fait pour l'essentiel sur la course à la Lune. Donc c'était en fait un programme, je dirais, à part, un petit peu à côté du programme principal qui était la conquête de la Lune dans le climat de la guerre froide. Alice Le Gall ? Oui, donc après beaucoup de missions russes, notamment des missions envoyant des atterrisseurs à la surface, qu'on appelait les missions Venera. Mais comme Thomas l'a dit quand même, la première réussite, le premier survol de Vénus, c'est américain, hein, Mariner 2. Ça, c'est un peu le pied de nez de l'histoire, voilà. Parce qu'effectivement, les Russes avaient mis beaucoup, il y a beaucoup, jusqu'en 78, il y a 12 missions Venera. Hein, oui. C'est... Bon, là, il y en a même plus, mais il y a des échecs dans l'eau. Moi, je vais jusqu'à Venera 16. Oui, c'est à 83. 78, ouais. C'est Venera 12. Voilà. Ouais. Et alors, après, c'est pas seulement des atterrisseurs. Hein, parfois, il y a aussi l'orbiteur qui relaie les données au sol. Mais donc, quand même, le premier atterrisseur à la surface de Vénus, c'est un atterrisseur scientifique. C'est Venera 7 en 1970. Mmh. Et puis, c'est Venera 9 en 5 années plus tard qui va donner la première image en noir et blanc de la surface de Vénus, hein, où on voit ces cailloux fragmentés dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'il faut dire que ces premiers atterrisseurs, ils se crachent sur Vénus, ils sont écrasés par la pression atmosphérique, ils fondent à cause de la température. Enfin, c'est quand même compliqué d'atterrir sur Vénus, voilà. Thomas Vinay. Alors, ils se crachent pas, parce que, en fait, l'atmosphère est tellement dense qu'ils peuvent tomber et ils coulent comme on coule au fond de l'eau, finalement. Et donc, il n'y a même pas besoin de parachute. On largue le parachute à 40 km et après, on tombe simplement dans l'atmosphère et ça se pose en douceur au fond. Et effectivement, les premières images datent des années 70. Il y a eu même des panoramas en couleur jusqu'au début des années 80. Donc c'était quand même une réussite d'avoir su se poser, mais comme vous le dites, en quelques demi-heures, en quelques dizaines de minutes, les instruments fondent tout simplement sous l'effet de la chaleur. Il y a un espace pressurisé qui tente de maintenir tant que possible les instruments en fonctionnement et puis ça s'arrête. En général, c'est moins d'une heure, c'est-à-dire que c'est une heure ou deux maximum. Le record, c'est deux heures. C'est une heure et demie, 96 minutes de mémoire. En revanche, ils ne fondent pas. Hein. Ils sont dans des matériaux dont le point de fusion est bien au-dessus de la température de Vénus. Donc on pense qu'ils sont encore là. Ils sont peut-être un peu abîmés. Peut-être qu'il y a des cailloux qui, portés par cette atmosphère dense, les ont un peu frappés de temps en temps. Ils ont peut-être subi aussi des attaques chimiques, hein, de la corrosion, mais... Il devrait pas avoir changé tant que ça aujourd'hui. Alors il y a une sphère protectrice qui était un caisson en fait qui maintenait la pression à l'intérieur, qui elle est sans doute intacte puisqu'elle était dans un alliage de titane qui était censé résister à cette température. Donc l'intérieur a dû en partie effectivement les cartes électroniques ont dû disparaître avec le temps, mais ces structures pourront être observées. C'est d'ailleurs un des objectifs de la mission InVision dont nous parlerons, qui est d'imager depuis l'espace, de faire l'image du site d'atterrissage pour faire une sorte de corrélat entre nos mesures et ce qu'ont pu observer les atterrisseurs soviétiques des années 70-80, puisqu'il y aurait une sorte de retour d'expérience sur comment on observe depuis l'espace ces régions qui ont été observées depuis le sol. Alors Vénus, en fait, va être délaissée complètement à partir de la fin des années 80. Le dernier programme, je pars sous votre contrôle, c'est le programme russe Vega en 86. Et il faut attendre les années 2000 pour que la communauté spatiale s'intéresse à nouveau à Vénus, et notamment l'Europe, avec le programme Vénus Express en 2005. Bonjour Céline Lozel. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Lesia à Meudon, qui a travaillé sur l'un des outils embarqués sur cette mission Vénus Express. Oui, alors aujourd'hui la mission est terminée depuis 2015, mais en presque 10 ans, les instruments de la sonde spatiale ont pu donner un grand nombre d'informations sur la physique et la chimie de la planète. Tous ces résultats ont été obtenus en partie grâce à VIRTIS. VIRTIS est un spectro-imageur, un instrument qui a permis d'en savoir plus sur la surface, l'atmosphère et les nuages de Vénus. J'ai retrouvé Olesia Pierre Drossard, qui est directeur de recherche et qui a été le principal acteur dans la conception de cet instrument. VIRTIS, c'est un instrument qui combine à la fois la spectroscopie et l'imagerie pour faire sur l'objet astronomique étudié des images spectrales, comme on les appelle, c'est-à-dire des images sur lesquelles chaque point représente un spectre, c'est-à-dire une répartition en longueur d'onde de l'intensité lumineuse qui permet d'étudier soit les propriétés de surface sur des objets, des petits corps du système solaire, comme les comètes, soit dans le cas d'atmosphères planétaires, comme sur Vénus, la composition de l'atmosphère et tout un tas de caractéristiques qu'on peut mesurer grâce au spectromètre. Alors, ce qu'on voit sur la maquette ici, c'est la partie en éclaté avec l'optique et le prisme qui décompose la lumière, qui le renvoie sur un réseau qui lui permet de séparer les différentes composantes spectrales et qui le renvoie sur un détecteur infrarouge qui est lui-même refroidi à basse température pour mieux fonctionner. On arrive devant une salle blanche où on s'occupe de la mise à l'épreuve des instruments avant de les envoyer dans l'espace. C'est cela. On a dans ces salles qui sont sous atmosphère contrôlée, avec des taux de poussière très faibles et des écarts de température bien contrôlés, la possibilité de tester l'instrument en conditions spatiales. Ce qui demande des semaines parfois de tests et d'intégration. Une fois l'instrument monté, on le met dans la cuve qui ressemble un peu à une cocotte minute dans laquelle on fait le vide et où on peut contrôler la température des différents éléments pour vérifier que l'instrument va bien fonctionner dans les plages de température qu'il rencontrera dans l'espace, avec en plus des marges évidemment de sécurité. Et Liberty, ça a été dans cette salle blanche avant d'être lancé vers Vénus. Absolument, les deux Virtis sont passés l'un et l'autre par cette cuve avant d'être intégrés, d'être testés après une fois assemblés dans des cuves plus grandes à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay et ensuite dans les grandes cuves de l'Agence spatiale européenne à l'ESTEC en Hollande. Ça prend combien de temps entre la fabrication du premier modèle et ces derniers essais? Comme pour Vénus Express, on a utilisé le modèle de rechange de Virtis, on a fait vraiment très vite. C'est-à-dire que la décision de mission a été prise en 2002 et le lancement en 2005. Et donc on a construit en 2 ans un nouvel instrument. Mais c'est vraiment un travail de coordination entre les scientifiques et les ingénieurs qui doivent répondre aux exigences scientifiques, répondre aux défis techniques. Tout à fait. Dans un instrument spatial, on a déjà énormément de spécialités mises ensemble dans une petite boîte. Et depuis le scientifique, et les ingénieurs, les techniciens, c'est un travail d'équipe où chacun a joué son rôle et en pleine coordination avec les autres. Et c'est ce qui fait aussi un des intérêts du métier, je dirais. Et c'est ça qu'on réalise au LESIA, à l'Observatoire. Donc Virtis, c'est un peu un instrument couteau suisse, comme on peut dire, qui fait beaucoup de mesures différentes. On a mesuré avec l'instrument Virtis dans son ensemble, par exemple, la température de surface et les variations de la température de surface qui sont liées à l'altitude, qu'on corrèle avec l'altimétrie qui est connue de Vénus, et de là voir les anomalies thermiques. Ensuite, si on remonte dans l'atmosphère, on voit dans la composition de l'atmosphère des composés en dehors, donc le gaz carbonique qui est le composé principal, mais des composés plus minoritaires comme la vapeur d'eau, des composés donc qu'on a pu mesurer et surtout dont on a mesuré la variation d'un point à un autre, hein, puisqu'on a à la fois l'imagerie et la spectroscopie. Ça, c'est plutôt la moyenne atmosphère. On a mesuré également les contrastes liés aux nuages et la vitesse des vents. On a également pu mesurer la répartition des nuages elles-mêmes et la hauteur des nuages. On a mesuré dans la haute atmosphère les émissions en aéronomie de certains composés comme l'oxygène. On a détecté aussi, pour la première fois sur Vénus, le composé OH, l'hydroxyle, caractéristique des réactions photochimiques qui se produisent dans l'atmosphère de Vénus. Donc il y a tout un ensemble, tout étagé de la surface jusqu'à la très haute atmosphère, des mesures peut-être les plus spectaculaires et visuellement aussi peut-être les plus belles sont celles du vortex polaire de Vénus, sont des grandes nouveautés qu'on n'avait jamais pu aborder avec ce niveau de précision jusque-là. En ce moment, sur quoi portent vos travaux théoriques et instrumentaux? Est-ce que vous allez fabriquer un nouveau Vertis pour une prochaine mission. Alors Vénus, il reste beaucoup de choses à découvrir. Ce qu'on ignore, c'est à partir de quel moment dans l'histoire du système solaire elle a divergé vers cet état d'atmosphère très épaisse de CO2 avec un effet de serre absolument inimaginable qui conduit à ces températures-là. Est-ce que très tôt dans l'histoire, Vénus a pu avoir une atmosphère tempérée qui a ensuite divergé vers une atmosphère très chaude? Ou est-ce qu'elle a toujours été comme ça? C'est une des questions sur lesquelles on n'a pas encore la réponse. Et c'est une des questions dont on aimerait avoir la réponse bientôt, peut-être grâce aux prochaines missions. Une réaction, Alice Le Gall, à ce que vous venez d'entendre, peut-être cette dernière question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une hypothèse privilégiée? Est-ce que Vénus a toujours été cet enfer qu'elle est aujourd'hui? Ou est-ce que, comme une autre hypothèse le laisse entendre, Vénus aurait pu avoir même des océans, de l'eau, être une vraie sœur jumelle de la Terre pendant 2-3 milliards d'années avant qu'il y ait un phénomène d'emballement climatique? Non, effectivement, il est vraiment possible qu'il y a 4,5 milliards d'années, il y avait à la surface de Vénus des océans liquides. À l'époque, en fait, le Soleil était entre 20 et 30% moins lumineux qu'il ne l'est actuellement. Donc les conditions étaient probablement beaucoup plus propices. Après, pourquoi, si cet océan, s'il existait, a disparu, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse un peu toujours catastrophique, celle de l'impact de la collision qui entraîne un dégazage global, une vaporisation de cette eau liquide. Et puis, il y a une hypothèse plus, disons, progressive où, bien, au fur et à mesure que la luminosité du soleil augmente, l'eau liquide s'évapore. On le sait avec le cas de la Terre, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre extrêmement efficace. Donc l'effet de serre commence à s'intensifier, les températures augmentent, ce qui va entraîner encore plus d'évaporation jusqu'à la disparition totale de l'eau liquide qui, voilà, donc d'une part va avoir pour effet de mettre beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et en plus va stopper... peut-être un cycle du carbone, parce que vous savez que peut-être que sur Terre, le dioxyde de carbone, qui était très présent aussi au début de l'histoire terrestre, du fait de l'activité volcanique, a disparu par dissolution dans les océans. Donc les océans ont joué un rôle extrêmement important dans la régulation de l'effet de serre. Donc s'il y a plus, si l'eau est vaporisée et qu'en plus, donc, du coup, il n'y a plus de liquide pour se débarrasser d'une partie du dioxyde de carbone, on a un effet de serre qui s'emballe et le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Thomas Wiedemann, aujourd'hui, on l'a dit, 30 ans quasiment sans exploration de Vénus. Et puis là, on a l'impression que c'est l'Europe, c'est l'ESA qui réinvestit un peu l'exploration spatiale. Alors il n'y a pas que l'Europe, il y a d'autres programmes, il y a des programmes indiens notamment. Mais là, il y avait Vénus Express qui a duré plus longtemps que prévu, jusqu'en 2015. Le prochain programme s'appelle Envision, vous travaillez dessus. En quoi consiste ce programme? Qu'est-ce qu'on va chercher justement à comprendre sur Vénus? Alors il s'agit d'utiliser les technologies du 21e siècle. La dernière mission radar date de 1990 jusqu'à 94. Elle a été conçue dans les années 80 avec des radars d'une technologie éprouvée déjà à l'époque, donc d'une génération encore antérieure. Donc si vous voulez, il y a presque 40 ans de gap technologique, disons, entre les deux. Et donc on fait aujourd'hui des radars qui peuvent voir à travers les nuages avec des précisions extrêmes, qu'on utilise d'ailleurs dans l'orbite terrestre pour étudier les grands ensembles géophysiques, volcaniques ou les catastrophes. Il y a là notamment le programme Copernicus Sentinel de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne qui sont en opération. Donc ces nouveaux radars de nouvelle génération, Alice Le Gall va nous en parler, ont des capacités sans commune mesure avec ces technologies du XXe siècle. Donc à ce simple titre, on doit vraiment retourner là-bas. Il se trouve aussi que Vénus étant couverte de nuages, on peut s'attendre à ce que la plupart des missions prochaines du 21e siècle, disons, vers Vénus, seront des missions radar, puisque c'est un peu les yeux de n'importe quel satellite de Vénus pour le futur. Dans toutes les décennies à venir, je dirais. Et il y a l'autre partie de l'exploration qui est la méthode in situ, c'est-à-dire de retourner. La dernière fois, comme vous l'avez très justement dit, c'est en mars 1985, je crois, la dernière fois qu'on est rentré dans l'atmosphère de Vénus pour faire des prélèvements in situ, ce qui est aussi une chose importante. Alors la mission Envision que nous proposons en vue de sa sélection finale, puisque nous sommes toujours en compétition, ce n'est pas tout à fait... Elle a été retenue déjà l'année dernière, en 2018. Voilà, nous sommes actuellement l'objet d'une étude approfondie, mais compétitive, avec d'autres missions qui ont été sélectionnées, deux autres. Et à l'issue de cette durée de 2 ans, où les laboratoires... qui fournissent les instruments, comme on l'a vu, comme Virtis, par exemple, pour la mission précédente, mais également les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne, qui travaillent pour la partie mission, la partie du satellite lui-même, vont devoir faire ses preuves et donc être sûrs. Alors, il s'agit d'utiliser toutes nos connaissances acquises au cours des missions précédentes, mais également, comme vous le disiez très justement, l'avance européenne née de cette mission Vénus Express, qui est un peu un astre isolé dans les années 2010, disons, qui a permis à la communauté des scientifiques européens de prendre un véritable leadership sur cette planète Vénus, à l'exclusion de toutes les autres planètes du système solaire. C'est un cas unique. L'Europe a, en quelque sorte, un leadership sur cette planète et que nous devons finalement poursuivre grâce à cette mission. Donc c'est un des résultats de ce leadership, c'est d'avoir été en situation et même de déclencher cet intérêt aussi auprès des autres agences spatiales du monde, comme vous citiez l'Inde, mais également la NASA produit également à intervalles réguliers des propositions d'exploration de Vénus, dont certaines sont également du même type que Envision. Et donc nous avons l'espoir d'être sélectionnés pour pouvoir donc poursuivre cette exploration de la planète. Envision, c'est une mission strictement satellitaire, il n'y a pas d'atterrisseur prévu ? Il n'y a pas d'atterrisseur prévu. Alors, la mission sera lancée au début de la, non pas de la décennie prochaine, mais de la décennie suivante. 2032, la date putative. Donc d'ici là, le lanceur aura peut-être évolué, peut-être que la masse disponible permettra d'emporter des charges utiles, peut-être qu'on saura faire des nanosats ou des tout petits satellites d'appoint finalement, ce qu'on appelle des drop probes ou des sondes qui descendent ou qui montent. Enfin, il y aura certainement une ménagerie tout à fait nouvelle de microsatellites qu'on pourra peut-être emporter avec nous, mais ça c'est une phase bien ultérieure de une fois que la mission sera acceptée. Alice Le Gall. Oui, donc le projet Envision sur lequel j'ai la chance d'être aussi et donc qui est présélectionné, on le sera qu'en novembre 2021 si on est finalement retenu, va à 4 instruments principaux. Mais le principal, on va dire, c'est un radar une version très très très améliorée du radar Magellan qui fournira des images de la surface jusqu'à une résolution de 1 mètre. Donc je rappelle, Magellan c'était 100 mètres. Donc on gagne jusqu'à 2 ordres de grandeur sur la résolution des images. Alors toute la surface ne sera pas cartographiée avec cette résolution, mais l'idée c'est d'aller chercher des zones d'intérêt, par exemple les régions où on a peut-être vu des anomalies thermiques ou la région des landeurs aussi. On a une image de la surface et d'avoir une image, enfin on a une image qui est une photo prise à la surface et d'avoir une image du contexte géologique de ces landeurs, de ces atterrisseurs pardon, et de pouvoir comparer donc cette image radar à une vérité terrain quelque part peut nous apprendre énormément. Il y a en fait aussi un autre radar, et ça c'est aussi une première sur cette sonde Envision, qui est un radar à pénétration de sol ou un radar sondeur, dont le but n'est pas de faire des cartes de la surface, mais d'aller regarder les structures en sous-surface, peut-être jusqu'à plusieurs centaines de mètres, ce qui là aussi pourrait apporter des informations très très riches et nous permettrait de comprendre notamment certaines structures tectonico-volcaniques qui n'ont pas d'équivalent sur Terre, qui sont très très exotiques. Via quelle technologie pour pouvoir justement voir à plusieurs... C'est un radar sondeur, donc la grosse différence, c'est qu'on envoie des longueurs d'onde qui ne sont pas de l'ordre du centimètre, mais de l'ordre du mètre, voire de la dizaine de mètres, donc qui ont cette capacité, si le sol a les propriétés qu'on espère qu'il a, de pénétrer et de se réfléchir sur les strates du sol. C'est un radar, un autre type de radar sondeur. Ça c'est pour la mission Envision. Alors il y a plusieurs autres missions, dont certaines qui ressemblent un peu à des missions de science-fiction, mais sur lesquelles j'aimerais tout de même avoir votre avis, qui sont listées dans le petit article dans Science et Avenir. Juste pour préciser, bien sûr, parce que Tom Lindman, radar, parce que je voudrais faire le lien aussi avec ce qui a été dit dans le reportage. L'instrument Virtis dont parlait Pierre Drossard a montré qu'on pouvait voir du côté nuit de Vénus depuis l'orbite de Vénus. La surface, on pouvait en faire l'image en proche infrarouge, vers la longueur d'onde de 1 micron. Ça a été une vérification, finalement, et ça a permis de montrer la capacité d'un instrument comme Virtis pour faire cette imagerie infrarouge qui permet de mesurer ce qu'on parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, ce qu'on appelle l'émissivité, c'est-à-dire la capacité de la roche à rayonner La roche est très chaude, puisqu'elle est également à 460 degrés, du côté nuit comme du côté jour. Et donc, elle brille en infrarouge, un peu comme la braise, si vous voulez. Et cette braise, on l'observe depuis le côté nuit de Vénus. On ne peut pas le voir du côté jour, mais ça donne une richesse incroyable d'informations. Alors maintenant qu'on sait que c'est possible, on a conçu pour Envision une autre suite d'instruments qu'on appelle VenSpec, c'est un drôle de nom. Et une partie va justement explorer toute cette, ce qu'on appelle cette fenêtre infrarouge vers un micron pour avoir une capacité à contraindre, à déterminer la minéralogie de surface en particulier, mais sur la totalité de la planète. C'est pas comme si on descendait à un endroit avec un lander, pour un atterrisseur, disons, pour mesurer le périmètre de l'atterrisseur. Grâce à cette résolution très fine, c'est-à-dire la précision de visée tout autour de la planète que permet l'orbite basse d'Envision. C'est une orbite basse polaire, donc à seulement 280-300 km d'altitude. Plus bas que la station spatiale, que l'ISS. Qui est à 400 km. Voilà, on est vraiment très bas. Et donc, ça permettra de faire aussi de la minéralogie de surface, une couverture globale de la minéralogie, une sorte de carte géologique de la planète qui se mêlera justement à la texture que donne également l'éco-radar dont parlait Madame Le Gall ici. Alors justement, un mot pour conclure, puisqu'il nous reste très très peu de temps, quelques minutes, un mot sur ces projets qui ressemblent, je le disais, un peu à de la science-fiction. On parle du projet AVOC de la NASA qui veut envoyer des dirigeables au-dessus des nuages, où il y a une structure aussi, un avion gonflable de la compagnie privée Northrop Grumman. Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait imaginer observer Vénus, là carrément, en se posant à la surface de cette atmosphère aussi dense, ou est-ce que c'est vraiment de la science-fiction, Thomas Wiedemann? Oui, c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation. En tout cas, il y a plusieurs projets dans les cartons des grandes agences, mais également des sociétés privées. Pour faire des ballons, des stratosphériques. Effectivement, à 55 km d'altitude, on est à 1 bar et à 15 degrés. Donc on est vraiment dans des conditions de la pression atmosphérique terrestre. Avec simplement l'environnement très acide, des gouttelettes d'acide sulfurique, qui est un problème qui est difficile à résoudre. Alors, envoyer des humains, c'est très bien, mais envoyer des sondes automatiques pour nous faire de la science et accumuler les données qui nous manquent tant pour comprendre le devenir de cette planète, c'est la priorité. Voilà. C'est d'ailleurs la même chose pour les autres planètes. Et donc, une mission habitée coûte beaucoup plus cher. Sans même parler de mission habitée, là on parle de drones ou de ballons gonflables. Alors, s'il s'agit effectivement de drones, vous parliez notamment du VAMP de Northrop Grumman, effectivement. Donc ça serait effectivement extrêmement utile. Ce qui est important par rapport aux atterrisseurs, c'est la durée de mission. C'est-à-dire qu'on arrive à faire fonctionner ces appareils pendant plusieurs mois dans les nuages de Vénus. Et là, ça permettrait de collecter et notamment de mesurer la variabilité temporelle de ces concentrations de gaz et de particules dans les nuages pour mieux nous permettre de comprendre la climatologie, la météorologie de cette planète si proche et à la fois si différente. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Thomas Wiedemann, merci Alice Le Gall d'être venu nous parler de cette planète Vénus. Vous pouvez retrouver l'article Vénus. Pourquoi Vénus fait à nouveau rêver dans le numéro du mois de janvier de notre partenaire Science et Avenir qui est signé Franck Danino, cet article. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lezen, Dominique Guette-Saint-Villefranc, Eve Etienne, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, nous plongerons non pas dans l'atmosphère de Vénus, mais dans la matrice, à la rencontre de ces robots, ces bots, qui sont aujourd'hui plus nombreux sur Internet que les êtres humains. Nous allons peut-être y retrouver Mr. Smith de Matrix. Qui sait ? En tout cas, la réponse est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.